Vous êtes assez fous. Pour l'écouter. 89-1. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. Simon Fitzbé nous télécharge sa chronique en plein dans les oreilles avec Philomène. Et on parle politique avec François Landry. C'est à assemblage requis, ça commence! Tout de suite! Tout de suite! Bon matin, bienvenue à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce jeudi 10 novembre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Bon matin, François-Olivier. Bon matin, Mathieu Plante. Et tu l'as dit, jeudi 10 novembre. Thursday, November 10th. Hein? Hein? C'est en anglais. C'est de l'anglais. Party demain matin? Thursday, November 10th. Ah, OK, OK. C'est de l'anglais. Mais non, mais ça sonnait comme party demain matin. Party demain matin. Party demain matin. On se lève tard. Ouais, je peux comprendre ça. Ouais. Je comprenais pas trop, mais exactement. Et c'est la fête, de mes amis. Arrête donc, quel aujourd'hui, ami? Jean-Philippe Ayotte. Ouais, exactement. Qui a 28 ans. Il a participé, l'année passée à notre Movember. Ouais, exactement. On s'en rappelle. Ouais, c'est ça. On l'avait téléphoné pour le surprendre, pour lui proposer, l'obliger. L'humilier, sinon. Ben non. Ouais. À porter la moustache fièrement. Là, écoute, je sais pas, on pourrait l'appeler tout de suite. OK. Juste pour lui souhaiter bonne fête. Bon. Tu connais aussi, Jean-Philippe Oui. Payotte. C'est qui, c'est un bon gars, ça? C'est un bon Jack. Un bon Jack Daniel, à ma part. Donc, on va l'appeler par téléphone, ouais, en direct à la radio, comme ça. Fais ça, là? Oui, attends. Ouais. Compose-moi ça. Les 819, j'imagine, sûrement. Party demain matin. Oui, OK. Ça sonne-tu, ça? C'est pas, t'entends rien, là? On va l'entendre dans nos écouteurs, si ça sonne. Ah ben, ça a pas, Vous avez joint la boîte vocale. Ah bon. 8, 1. Il laisse un message. Faut pas que le monde entende le son. 2, 0. Okay. Hein? Ah, non, on parlait par-dessus. On parlait par-dessus. Hey, Jean-Philippe. Hey, salut, Jean-Philippe. On est à la radio. Ben oui, en direct à Assemblage Requis. C'est fou 80 FM, c'est fou.ca. Et on voulait te dire bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. On ne chante pas rien. Ouais. Hein? OK, un, deux, trois, go. Bonne fête, Jean-Philippe Payotte. Bonne fête, Jean-Philippe Ayotte. J'espère qu'on s'est pas trompé de boîte vocale, par exemple. J'espère que non. Ouais, hein? On va avoir l'air spécial un peu. Je pense que c'est déjà fait, ça. Ouais. On pourrait dire que c'est un... On pourrait inventer un poste de radio. Si, des fois, on s'est trompé. Ah, oui. Clin d'œil. Donc là, Mathieu, on était... T'as quel... C'est FUK, c'est FUC. C'est... ouais, 83-92. Ben, on est sur la bande AM. C'est ça. 92 AM. Ouais. C'est fantastique. C'est fuck. Hey, bonne fête. Bonne fête. Bye bye, on raccroche. Ça va, ça, c'est mission. Allez. Hein? Okay, bon, mais c'était super, ça. J'espère qu'on ne s'est pas trompé de numéro. J'espère. Ah. Ouais. Ça me rappelle pourquoi on n'a pas fait cette année le Movember à téléphoner à tout le monde. Ouais. Ça marchait jamais. Hein? Ben, plus ou moins. Ça a quand même bien fonctionné, je trouve, dans l'ensemble. Oui, oui, ceux qui ont participé avec nous, ils étaient vraiment là pour nous autres. Mais qui qu'on avait? On avait T-Bone, effectivement, avec sa moustache qui était plutôt rigolote. Tout à fait. Guy. C'est Guy, là. Après ça, Jean-Philippe Ayotte, on vient de le dire. Oui. Ça ressemblait à ça. Non, ouais. Alexandre Lapointe, qui était live à Longueuil. Mm-hmm. Ouais, qui avait arboré fièrement la moustache. Ouais. Rappelons-le. Merci à vous autres. Hein. Oui, merci. C'est grâce à vous autres si on fait des niaiseries comme ça. C'est ça. Puis on comprend ceux qui participent aussi. Hein. Il y en a qui ont des emplois qui leur permettent pas de se faire pousser la moustache. En même temps, je pense que si tu sacs dehors à cause de ta moustache, c'est contestable au niveau des normes du travail. Tout à fait. Mais écoute, je te dis pas que tu mets ton boss de ton bord. Non, c'est ça. Ouais. Alors, en tout cas. Ah, boy. Ben en tout cas, bonne fête, hein, Jean-Philippe Ayotte. Bonne fête. On passe à un prochain appel, c'est-à-dire notre menu pour l'émission d'aujourd'hui, François. Oui. Hein, on va voir Simon Fédibé à 8h avec sa chronique Phénomène. Aujourd'hui, il nous parle des MP3. Donc, l'évolution, comment c'est arrivé, où est-ce qu'on est rendu avec les MP3? J'imagine qu'au début, ça a commencé à MP0, MP1, sûrement, ouais. MP2. Ce Son of MP, ensuite The Legend of MP. C'est beau. Ouais. Puis là, on arrive. Là, MP contre-attaque. MP, ouais. MP is back. C'est ça. For season 3. Ensuite, à 8h30, on a François Landry. Oh. Et puis, François, dans sa chronique politique, il va nous parler de la hausse des droits de scolarité. Oh, OK. Et on sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est journée de grève. Oui. Ben, de grève. De manifestation étudiante contre la hausse des frais de scolarité qui se déroule à Montréal. Parce que les étudiants avaient voté contre la grève. Hein? Non, c'est ça, les étudiants avaient voté contre la grève. Ouais, c'est ça, les étudiants. Ben, ici, à l'UQTR, parce que là, en fait, là, c'est un mouvement qui. Les cégeps, etc. Ouais, qui se retrouve partout au Québec. Fait que là, je sais pas, j'imagine que François Landry va aborder la question et c'est ça, il y a des autobus qui partent aujourd'hui ici de l'UQTR, je sais pas, je pense que ça doit être au poste de garde ou en tout cas, ouais. Je sais pas exactement de où. Sûrement peut-être à l'arrêt d'autobus pour aller fumer à côté du pavillon. Il va embarquer, ouais, il était. Passe le gaz. On s'en va à Montréal, trop tard, ouais. On débarque pas. Okay. Bon. Forme d'âme. Cool. J'imagine qu'on va aborder ça. Ouais. Il va aussi y avoir les nouvelles geeks dans CNX et puis la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas. Exact. On l'a. Exact. Ah, okay, un plan d'émission de jeudi, ça, chargé à souhait. Chargé à souhait, effectivement. Ouais. Effectivement. Sur les gens en musique, petit, oui, hein? Petite vas-y. Mention d'ailleurs à l'émission de Kim Bergeron. Kim Berge, oui. Qui a fait jouer Final Flash. Hey, je sais, je l'ai entendu. Ouais, j'ai pensé à toi. Ben, moi, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, tabarouette, on pourrait faire découvrir ça à Mathieu Plante. Ce bon groupe-là. Je m'en rappelle vaguement. Toi, quand tu t'accroches à un groupe, hein? C'est ça? Ah non, mais c'est exceptionnel. Oh. Et puis, d'ailleurs, les commentaires que Kim Bergeron tenait à propos de ce groupe-là, c'était proche de l'extase musicale. Oui, j'imagine. Je vais écouter la reprise, voir si c'est vrai. Écoute, t'es pas obligé. Tu peux te fier, moi, okay, voyons. Je te fais confiance. Ouais. Peut-être qu'on t'en jouera tantôt. Oh, ouais, j'aimerais ça fait longtemps. On pourrait te faire un bloc avec Horrible Crows, si tu veux, tant que ça aussi, wow. Là, ça serait gagnant pas mal. Hein. Hey, je peux-tu concocter un bloc de trois pièces? Concoct me that. Back to back to back. To back, ben oui. Ou back to front to back. Et Colin, hein? Ouais, c'est bizarre. Colin. Mais ouais, je te réserve une surprise, en fait, qui n'en est pas une. Non, c'est ça, parce qu'on sait déjà ce que c'est. Là. Ouais, deux sur trois, et le troisième, je suis sûr que tu pourrais t'en douter, je pense qu'on a fait jouer la semaine dernière. OK. Je suis sûr. Bah, je sais pas. Du Gaslight Anthem. Non, Red Bull Crows vient... Okay. Vient je vais y penser. Combler mon manque de Gaslight. On débute l'émission avec Bravo Funkin. Tout le monde adore ce groupe-là, c'est vraiment... le monde, ils sont comme... What? Le monde capote. Ouais. Le monde écrive à Mathieu Plante. Tout à fait. Pour deux choses, en fait. Pour plus qu'il y ait de chiptunes. Bon. Bon. C'est pas vrai. Ouais. Pas vrai, Mathieu Plante. Une par émission, trois fois par semaine. Bon. Hein, oui. Ça? Ben, c'est correct. Ouais. C'est correct. Ouais. Fâche-toi pas. Non. Fâche-toi pas. Je t'en ai réservé une bonne tantôt encore. Ben ouais, de chiptunes. Musique de jeux vidéo, pour ceux qui savent pas. Ça va jouer vers quoi? 9h30? Quand tu vas être sorti du studio? Non. Ça revient tantôt. Non. Bravo Funkin, cœur Rubik. Sur C'est fou, 89 FM, vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 9h. Pour qu'elle... pourquoi l'engouement autour de Jérémy sur Facebook? Pourquoi? C'est parti comment, ça, non? Je sais pas. Je me rappelle que j'ai posté une image, ça fait peut-être une semaine, deux semaines, et puis là, je sais pas, là, en fait, et puis c'est revenu en force hier. Là. Donc c'est ta faute, c'est toi qui as commencé ça? Ben non, ça? Mais je sais pas. Moi, j'ai toujours eu... Moi, j'ai une photo avec. Okay. Moi, c'est comme ça. De lui, de toi et lui, sur la même photo? Ouais. Ah, ouais? Caroline, il y en a qui sont privilégiés. Ouais. Je suis jaloux. Je peux te montrer ça. Ben, montre-moi ça. Ouais, à l'instant, on va mettre ça sur Facebook. Là. C'est mon fond d'écran aussi. Aïe, il y en a qui mettent ça, leur blonde ou leur animal de compagnie. Mais... Ouais. Petit Jérémy, c'est pas mal un animal de compagnie. Mathieu Plante. Un peu de respect. Un petit peu de respect. Attends un peu, là, je vais essayer de te trouver. Tu sais qu'on pourrait l'avoir en entrevue un jour? Ben, je sais pas. Je suis sûr que c'est faisable. Une chose qui est faisable. C'est pas difficile. Qu'est-ce qui se passe? Et qui va être vedette. Bon, t'as un peu... C'est comme très long. Mais oui, assez. C'était pas ton fond d'écran? Genre... Ah, mais c'est un montage, c'est pas un montage. Ben là... C'est pas une montage... Non, c'est... Pour qui, non. Là? Écoute, il passe à la TV, il me scolle. Mais il y a zéro Photoshop là-dessus. Là. Zéro? Zéro, même pas. Même pas 10%? Même pas. Cool. Parlant de Photoshop, on va aller se trafiquer des photos de petit Jérémy. C'est un genre de tutoriel didacticiel que je vous fais pendant ma chronique. C'est Nix. En tout cas, il faut la mettre sur Internet, ta photo. Fait que fais ça pendant la chronique, la photo de toi avec le petit Jérémy. Ouais, je vais essayer, OK. Ça va être beau. Ça va très bien avec la chronique CNX. Donc, commençons avec Apple qui forme des cadres sur la syndicalisation, François. Le géant des appareils mobiles Apple semble se préparer à la syndicalisation d'employés aux États-Unis. Le site CNET a révélé mardi que l'entreprise forme des dirigeants sur l'impact des syndicats et sur la gestion des relations de travail. La publication américaine cite des documents qui circulent à l'interne chez Apple. Les nouveaux gestionnaires de l'entreprise devront suivre une formation sur la syndicalisation tenue à un centre de logistique. Les autres dirigeants devront se faire former deux fois par année. Les cours porteront sur la compréhension des effets qu'ont les syndicats sur un milieu de travail. Ils seront renseignés sur les raisons et les façons des travailleurs de s'affilier à un regroupement. Ils se feront dire quoi faire et quelles erreurs éviter en présence d'un syndicat. Citant une source proche du dossier, CNET affirme que le programme de formation n'a rien à voir avec les magasins de détail Apple. Pourtant, un groupe baptisé Apple Retail Workers Union tente de faire entrer les syndicats dans le magasin géré par le géant californien. L'entreprise compte 30 000 employés dans plus de 300 emplacements dans le monde. 300 emplacements, je pense. Temps placement. À San Francisco, le travailleur Corey Moll est à l'origine de ce mouvement depuis le début de l'année. Donc, c'est vraiment une seule personne qui a décidé d'instaurer ça ou d'essayer d'instaurer ça. Il tente de convaincre ses collègues de former un syndicat pour adoucir les méthodes de gestion des gérants des magasins. Monsieur Moll reproche aux gestionnaires de créer des inégalités et réclame une meilleure gestion de la formation, de l'embauche, des salaires et même des pauses. Il estime avoir été victime d'une injustice quand il a voulu obtenir un poste permanent. À suivre. Toujours dans le domaine d'Apple... C'est confirmé, Siri, le système de reconnaissance vocale, ne sera pas adapté à l'iPhone 4. Il y avait des rumeurs qui voulaient que ça. Ben, parlons-en. C'est officiel, donc c'est Apple qui l'a dit. Évidemment, ça va être peut-être faisable par des hacks à un moment donné. L'ingénierie a fourni les retours suivants à ce sujet, et je cite, « Siri ne fonctionne que sur iPhone 4S. Nous n'avons actuellement aucun plan pour le porter sur d'anciens appareils. » Il est rare qu'Apple communique de façon aussi directe à propos de projets ou de développement futur. Le développeur avait envoyé un courriel à la firme de Cupertino pour savoir si elle avait l'intention de proposer Siri sur des téléphones comme l'iPhone 4 ou le 3GS afin de couper l'herbe sous le pied des piratages actuels. Pas de mise à jour donc pour les anciennes versions, mais tout espoir n'est pas perdu avec les méthodes de piratage qui circulent. De plus, Siri pourrait faire rapidement son apparition via le débridage, ce qu'on appelle le jailbreak, là, par Cydia. Jailbreak, c'est débridage. Ben, je savais pas avant cet article-là. Non, débridage, c'est particulièrement laid, mais ouais, c'est bizarre. Pas très surprenant. Non, mais c'est ça, sûrement qu'Apple, on s'entend, leur stratégie doit être vendons le plus d'iPhone 4S possible parce qu'ils sont plus chers que les autres. Et si on offre Siri, les avantages d'avoir un 4S sont moins nombreux. Hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, mettons, en une ou deux phrases? Ben, écoute, moi, sincèrement... Ça n'a pas paru du tout, j'ai tout ça. Non, hein? C'est okay. Ça n'a pas paru non plus, j'ai rien dit. Non, je sais, mais moi, je tenais à le mentionner parce que je suis transparent. Tu vois là. Oh. Fait que je me fous de ce que tu penses, c'est ce que ça voulait dire. Bon. Non, mais sans blague, c'était... Ça va, t'avais rien à dire? Ça va. Cool. Non, mais écoute, toi, qu'est-ce que t'en penses, sincèrement? Ben, sincèrement, je peux comprendre la tactique. Là, je trouve que c'est plate pour le commun des mortels qui aimerait ça avoir toutes les fonctionnalités du iPhone 4S sur toutes les autres générations d'avant, mais c'est comme demander à une console de jeux vidéo de jouer tous les jeux d'avant et des consoles d'avant de jouer les jeux vidéo de la console courante. Précédent, non? Non, non, c'est comme si on demandait, mettons, à la Super Nintendo, hey, pourquoi que tu peux pas jouer des jeux de Wii sur une Super Nintendo, mettons, tu sais? Ouais, ouais. La technologie n'est pas la même, le processeur est pas pareil. Peut-être que ça pourrait fonctionner, mettons, pour Siri, parce que c'est pas un jeu vidéo avec une carte vidéo qui demande de temps que ça. Mais bon, je sais pas. C'est pourquoi faire ça et s'enlever des profits. Ouais, c'est ça. Exactement. Pour une compagnie capitaliste, je peux comprendre. Ouais. Alors, restons dans le domaine des téléphones cellulaires, François. Les gens de 55 ans et plus se mettent au téléphone intelligent. OK. Oui, les consommateurs américains âgés de 55 à 64 ans constituent l'un des segments les plus dynamiques du marché des téléphones intelligents, révèle une étude publiée le 3 novembre par Nielsen. Selon l'enquête en question, qui porte sur le troisième trimestre de 2011, 43% des Américains possèdent un téléphone intelligent. Les plus équipés sont, sans surprise, les 25-34 ans. Avec 62%. Mm-hmm. Chez les tranches d'âge périphériques 18-24 et 35-44, ce taux d'équipement est légèrement inférieur à 54%. Au-dessus de 34 ans, on constate un recul significatif, 39% pour les 45-54 ans, 30% pour les 55-64 et 18% pour les plus de 65 ans. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi, c'est 1 sur 5? Ouais. Néanmoins, jeunes adultes excepté les 55-64 ans connaissent la plus forte croissance du trimestre, 5% par rapport au précédent. En glissement annuel, cette augmentation est de 13%. Selon une enquête publiée en mai par le Pew Internet and American Life Project, les adultes des villes et des banlieues aux revenus annuels par foyer de 75 000 $ et plus sont les Américains les plus susceptibles de posséder un téléphone intelligent. Logique aussi, ça, hein? Ouais. Parlons d'Adobe. Ah, ça, c'est quand même une nouvelle importante. C'est qu'Adobe signe l'arrêt de mort de Flash Mobile. Un vent de panique s'installe chez Adobe. Coup de tonnerre dans l'industrie du mobile, nous dit l'article de Branchez-vous. Ça a l'air, hein? Donc, on parle de Flash pour mobile qui serait délaissé par Adobe. Des sources proches ont indiqué que l'abandon de Flash mobile est une nécessité pour se concentrer sur l'amélioration du portage d'applications depuis Adobe Air, qui est un autre système qui ressemble un petit peu à Flash, mais pas tant que ça, vers les différentes plateformes de jeux en ligne. Dans un message adressé à l'origine aux éditeurs, Adobe indique, et je cite, « Nos futurs travaux avec Flash sur les appareils mobiles seront orientés vers le développement d'applications natives packagées avec Adobe Air pour les principales boutiques d'applications. Nous n'adapterons hein? plus le Flash Player au nouveau navigateur des appareils mobiles ni aux nouvelles versions de système d'exploitation ou certaines configurations de périphériques. Nous allons continuer à supporter les actuelles configurations Android et Playbook avec des mises à jour de sécurité ou sur des bugs critiques, mais ils feront plus de nouvelles versions. Oh. » Cette décision est comme un coup de tonnerre dans l'industrie, puisqu'il n'y a pas si longtemps, Adobe était en conflit avec Apple. On se rappelle que Apple refusait et refuse encore d'adopter Flash sur ses produits et en colère contre Microsoft qui lui a tourné le dos. Depuis, Adobe a fait part de son intention d'appuyer le développement du HTML5 comme une bonne alternative au Flash et qui est utilisé entre autres par YouTube et d'autres sites d'hébergement de vidéos. Donc le HTML5 va un petit peu prendre la place, et même pas juste un petit peu, beaucoup prendre la place du Flash sur Internet. Voilà, donc la technologie est cependant encore très jeune et loin d'être standardisée sur Internet. T'as peut-être remarqué cette chose-là. En fait, il y a des gens qui ne le remarquent pas parce qu'il y a encore des gens que j'ai remarqué qui avaient l'ancienne interface de Facebook encore. Est-ce que t'as encore l'ancienne? Celle sans la petite boîte qui reste attachée à ta fenêtre à droite, là. Celle de la petite boîte... Tu sais, quand tu scrolles, tu descends en bas de la page, ouais. La petite boîte reste là. Est-ce que t'as cette version-là? Non. Ça, c'est la nouvelle. Donc, t'as encore l'ancienne version. Et tu vois, t'es pas tout seul. Il y en a encore un beau gros paquet. Et pourtant, ça fait quand même assez longtemps que la nouvelle interface est arrivée. Avec, entre autres, les petites nouvelles avec des triangles bleus dans le coin là, pour dire qu'elles sont importantes. Là. Mais en tout cas, bref, si vous la reconnaissez, c'est celle-là. Face aux critiques des utilisateurs du réseau social, dont une partie conséquente n'a pas adhéré à la nouvelle hiérarchisation du flux d'actualité, Facebook adopte une marche arrière discrète en rajoutant une option de classement. Donc, modifié en septembre dernier, le flux d'actualité de Facebook, qui permet d'accéder aux dernières informations postées par ses amis et ses différents groupes, n'a pas fait l'unanimité en privilégiant ce que le réseau social qualifie de « top stories », donc les nouvelles les plus importantes. Le site empêche beaucoup de ses membres d'accéder à la totalité des informations. Parce que là, quand tu arrivais en haut de la page, tu avais les nouvelles importantes. En bas de ça, tu avais genre les nouvelles les plus récentes. Puis là, inséré là-dedans, tu avais des nouvelles importantes aussi. Puis là, tu pouvais comme classer ça par plus importante ou par meilleure nouvelle. Mais c'était comme confus pas mal, je trouve, comme système. Okay. Tu pouvais même choisir toi-même quelle nouvelle était importante en rajoutant toi-même un petit triangle bleu sur la nouvelle. C'est bizarre. Encore une fois, je m'étouffe. Ah, oh, Mathieu. Ça va tellement bien cette semaine. Ah oui. 9e jour de rue. Ouais. Donc, Facebook vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau filtre dans le flux d'actu qui permet tout simplement d'afficher les articles les plus récents en premier. Donc, vous pouvez également continuer à voir les histoires les histoires qui sont à la une en premier, suivies par les publications récentes, comme vous le voyez aujourd'hui. Donc, on peut encore avoir la nouvelle interface si on la veut, mais on peut maintenant choisir de classer plus facilement sur Facebook. Facebook, qui par contre ne modifie pas son flux, qui conserve son nouvel affichage, la nouvelle façon de placer les grosses photos. Là. C'est bizarre, ouais. Ces grosses photos-là, je comprends pas trop. Vu qu'on peut cliquer dessus, ça. Donc, ça tarde grandement à arriver, comme on disait, auprès des utilisateurs. Là, c'est vraiment, je sais pas comment ils font leur échantillonnage et comment ils choisissent ce qu'ils vont les avoir en premier, mais bon. L'ajout de ce filtre dénote un véritable retour en arrière quand même pour le réseau social, dont la nouvelle vision du suivi de l'actualité n'a pas convaincu les membres. Encore une fois, changer pour changer alors que tout était bien correct avant. Empêcher les gens de faire des affaires. Pas me permettre de poster certains contenus sur Facebook, de faire du cross-posting entre deux pages. Si je suis propriétaire de deux pages, je peux pas partager des affaires d'une page à l'autre. Il y a plein d'affaires qui marchent pas sur Facebook. On dirait qu'ils veulent vraiment se tirer dans le pied le plus possible. Je comprends rien. Facebook m'énerve de ces temps-ci. Mais bon. Ce sera sa mort un jour de vouloir tout contrôler. Ce nouveau filtre est actuellement en cours de déploiement et devrait donc être disponible sûrement dans les 6 prochains mois, là, à la limite au rythme que les choses vont en ce moment. Et une nouvelle qui me déplaît, je trouve ça complètement stupide. En même temps, ça me touche pas particulièrement, mais il y en a qui vont se sentir touchés. Okay. Suite à la décision du tribunal de grande instance de Paris, le site parole.net a fermé ses portes. Il proposait sans aucun accord avec les ayants droit de l'industrie musicale les paroles de chansons. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la justice s'attaque maintenant au site de paroles. Mais pourquoi? De chansons. Par principe, la publication des paroles d'un titre musical est soumise à l'autorisation des éditeurs disposant des droits sur la chanson. Donc, les paroles appartiennent aux compagnies. Pour ne pas avoir respecté cette règle juridique, je sais bien, le site est désormais inaccessible. La Chambre syndicale de l'édition musicale a engagé une procédure pénale visant à fermer ce type de site et compte demander réparation du préjudice subi par les ayants droit. Ridicule. Ça va loin. Là. Ouais, un petit peu. Tu sais, contre les MP3, je peux comprendre, mais là, contre les sites de paroles qui sont souvent tapés à la main, puis c'est même pas les bons mots, là, tu sais, genre. Paroles, s'il vous plaît. Paroles. On va loin, beaucoup trop loin. Voilà. Les nouvelles sont sur assemblagerequis.com, tous les articles, si vous voulez les lire au complet, dont celui-là que je vous ai pas lu au complet, parce que le reste n'était pas très intéressant, c'est juste le principe de la chose. On va se quitter avec une pièce de chiptune, encore l'artiste Zef. Zef? Z-E-F, avec la pièce Pure Voltage. Vous pouvez retrouver Zef sur facebook.com/zefmusic ou encore zef-music.bandcamp.com. On écoute sa pièce Pure Voltage dans la chronique CNX. Wow. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Ah oui! Mathieu, sa voix sensuelle. Hein? Non, c'est pas si pire. C'est ça l'avantage d'avoir un long rhume, hein, c'est que ta voix est plus exigée. C'est... non? Wow! Même, vous l'avez pas vu, ouais, c'est ça, puis il y avait comme le move, là, le sexe. Ah, mais c'est moi, c'est ça. Ça... Oh! L'imputation me précède, comme ils disent. Ah, exactement. C'est ça, avec ma moustache de français. Oh, mais tu sais, ta moustache fait juste, comment je pourrais dire, créer diversion. Je pensais okay. Dire chatouiller. Non, en fait. Aussi. Moi, là, non, là, me chatouille pas, là, mais... Pas là. Non, c'est ça. C'est pas ce que tu disais hier soir. Je riais. Comme toute écolière. Ouais. Bon, donc... Okay. Qu'est-ce qu'on disait, là? Oublions tout ça. François... C'est final. Quoi? C'est final. Ouais, mettons, si on veut. Tu sais, une fois de temps en temps, l'émission, là, tu me disais, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Attends, c'est laquelle déjà? Je me rappelle plus, c'est laquelle. Laquelle quoi? Laquelle des chansons que je suis supposé mettre pour ça? Parce qu'on a une petite chanson. C'est celle-là ici? Ah, c'est ça, ok. Je l'ai. Ok, on y va. C'est le bloc Écoutons, j'adore la chanson. Dans le bloc Écoutons, j'adore la chanson, d'habitude, c'est toi qui devines un thème entre les pièces que j'ai choisies, tu sais, si tu te rappelles. Exactement. Et là, faisons semblant qu'on n'a pas parlé de ça plus tôt dans l'émission. Parfait. Ceux qui étaient là. Je vois pas de quoi tu veux parler. C'est moi qui vais devoir deviner le lien entre les pièces que François nous a choisies. Il nous a choisi trois pièces. Ouais. Il y a un lien entre ça. Ouais, ben le lien est évident. C'est pour toi. Est-ce que t'es en train de me traiter d'idiot? Non, mais okay. Écoute, je te traiterai d'idiot après si d'accord. Tu l'as pas trouvé. On essaiera. Donc, présente-nous ton bloc là, un petit peu, là, juste pour commencer. Là, je vais essayer de déjà okay. Des indices. Trois pièces. Trois magnifiques pièces. Magnifiques pièces. Trois groupes aussi. Hein, qui attends, trois pièces. Trois magnifiques pièces. Le boudoir, le lobby, le vestibule. Les trois émissions de C'est fou là, qui portent des noms de pièces. Là. Oui, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça, mais je veux pas m'avancer trop. Des fois, je pourrais dire des indices. Okay. Clin d'œil, clin d'œil. C'est ça. Donc, écoute, on va commencer le bloc avec Fun of Flash. OK. La pièce Welcome to the House on Fire. Uh-huh. Après ça, on va poursuivre avec un groupe qui s'appelle Against Me. OK. Et puis, la pièce, ça va être Holy Shit. Holy Shit! Ouais, c'est un peu vulgaire ce matin, mais oui, bon, c'est parce que ça voudrait dire comme l'agent de Maha, du caca. Ouais, du caca. Et puis, ouais. On va terminer ça avec l'avantage de l'Alberta rural. OK. Et puis, avec la pièce Stamp. OK. Je pense à ça. Ah, pense à ça. Écoute, fais juste écouter. OK. Écoute. On commence avec... Final Flash. Bon. Écoutons-la donc. La chanson. Can't believe I am oh so fascinated. I am oh so entertained. Standing here like a comedian. I repeat what I say again and again and again until the meaning has become an imitation of itself. An impression of an original defeats a fucking purpose. I don't know where this is going, but it's looking more and more like the same place that we started. Well, good God, holy shit, a joke's on us. Not on them kids pretending to be astronauts, police officers, and firemen. Well, good God, holy shit, a joke's on us. Not on them kids pretending to be astronauts, police officers, and firemen. Everybody's watching lead singer in the band. The guitar's exploding to a drum beat. This driving is pretty fucking boring. Oh, don't you think that of all the things we'd ask? Below the way sweet life into beat. The just joking conversation song, lyric song at the top of our lungs so desperately. Like I believe in a power that is governed by the people. I believe in an art that cannot be compromised. I believe I will endure and I will overcome. And I will sing it till I no longer remember the reasons. What was that reason? Oh, good God, holy shit, the joke's on us. Not on them kids pretending to be astronauts, police officers, and firemen. Oh, good God, holy shit, the joke's on us. Not on them kids pretending to be astronauts, police officers, and firemen. Le bloc, écoutons la don, la chanson. Eh mon Dieu, hein? Là, ça, c'est un bloc où d'habitude, je fais deviner à François un bloc thématique, là, mais on a viré les tables de bord. Ah, puis c'est une première, hein, Mathieu, parce que pendant que t'as été t'abreuver comme il se doit. Mais oui, à cause de mon matou, là. Oui. J'ai reçu 3 appels pour me dire que c'était le meilleur bloc du monde entier. Ben, cool, hein? Félicitations, François, bon choix. C'est bizarre que t'aies pas été le père. Non, c'est ça, c'est bizarre. C'est un drôle d'adon. Hein? Ouais. Donc, je dois deviner le sujet de cette chanson. Ouais. OK, rappelle-nous qu'est-ce qu'on a joué dans l'ordre. OK, on a commencé le bloc avec Fun on Flash et la pièce Welcome to the House on Fire. Après ça, on a suivi du groupe Against Me et de la pièce Holy Shit. Version d'ailleurs que je ne connaissais pas, mais qui était très bonne. Ouais, il y a comme plusieurs versions. Et puis, on a terminé avec l'avantage de l'Alberta rural. C'est Rural Alberta Adventure, ouais, tu ne voulais pas le dire. Là. Non, mais j'aime mieux le dire comme ça, on dirait. Oui, oui, oui. Ça sonne mieux. Et puis, la pièce, c'est Stamp. Stamp, bon. OK, donc moi, ma théorie sur le thème, OK. La théorie à Mathieu. Ma théorie. Ding, ding, ding, ding. Mettons, au milieu, t'avais Holy Shit, OK? Ouais. Et puis avant ça, t'avais Welcome to the House on Fire. Je me dis, tu sais, sûrement que c'est une histoire d'un gars. Tu sais, des fois, tu fais des farces et attrapes. Tu vas venir déposer un sac de caca d'animaux devant chez quelqu'un. Tu vas mettre ça en feu. Ça arrive. On voit ça dans les films des fois. Ouais. Tu sais, fait que ça a fait une genre de merde. Sûrement, c'est des vaches sacrées. Tu sais, sûrement. Ouais. Holy Shit, tu sais. Ouais. Puis là, ben sûrement que le gars, il savait pas que quand tu vas porter un paquet directement chez quelqu'un, t'es pas obligé de mettre un thème. Fait qu'il en a mis un pareil. Stamp. Un caca en feu dans une maison, la maison pogne en feu. Tu sais, c'est un peu ça l'histoire, non? C'est pas ça pantoute. Comment ça? Ça peut pas être autre chose que ça, là. Non. Mais c'est pas ça. En fait, c'est super niaiseux. C'était juste un chanteur mâle. Ah. Avec un chouine? Ben oui. Qui fait il y avait ça. Mais c'est ça, c'était juste en fait un homme qui chantait. C'était le seul lien. Wow. Qu'on pouvait tisser. Wow. Le caca devant la porte, c'est un peu bizarre. Ah ouais. Okay. Je m'excuse. T'as cherché un peu trop loin. Mais ouais, tiens. Ouais. Ah. Ouais. J'ai l'imagination fertile un petit peu comme du caca dans un champ. Ouais, c'est ça. Fertile. C'est, hein? Ça fait. C'est. Ça fertilise. Tu fertilisais? C'est ça. Bon. Tu vois un autre lien que j'étais trop loin. Hein? Ouais. C'est pas logique. Non, ouais. Non. Non. Bon. Hey, merci Mathieu! Un bon bloc, sérieusement, oui. ça m'a rendu de bonne mort aujourd'hui. Malgré tout l'humour autour de ça, là. Hein? C'était oui, tout à fait. Non, c'est pas l'humour qui m'a rendu de bonne mort, c'est la musique. J'imagine. Hein? Faut le spécifier parce que. c'est rarement ben drôle, nos affaires. Voici la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a, François-Olivier Marchand. Oh! Oui, c'est la chronique où je vous présente des solutions à vos problèmes de tous les jours. Oui! Et évidemment, si vous n'avez pas ces problèmes-là, ben, on vous les crée, hein? Ouais, c'est un peu ça. On crée des besoins. Problème number one, François. Vas-y, verre d'alcool, OK? Hein? Un verre d'alcool, un verre de liqueur, mettons, ouais. Ou un verre de boisson gazeuse, okay. Ou un verre d'eau. Mais la glace vient tout le temps diluer la saveur de ton alcool. Ça ouais. arrive, c'est tout le temps ouais. le cas. Des fois, c'est le but. Des fois, c'est le but, en effet, mais des fois, c'est pas le but. Et là, c'est dommage dans ce temps-là. Donc, pourquoi ne pas acheter les Skybar Chill Cubes? Ça vient sur un petit socle. C'est des cubes de... est-ce que c'est en métal solide. Tu tiens ça, tu gardes ça dans le congélateur jusqu'à temps que tu sois prêt à l'utiliser. Tu les mets dans ton verre, ça refroidit en quelques secondes. Et ça peut être réutilisé encore et encore et encore. Ça coûte 40$ la paire. C'est quoi? C'est des blocs de métal qui viennent sur un petit socle de plastique. Tu peux les mettre dans le congélateur. Okay. Quand t'es prêt, tu le sors, tu mets ton cube dans ton verre, ça tient au froid et ça, ça s'active en quelques secondes. Oh. Pas pire. Quand oh, c'est hot. Moi, j'en veux. Oh. Deuxième sujet, c'est les câbles sur ton bureau, OK? Donc, t'as des câbles tout le temps, t'as des câbles USB. Oui, des câbles. Okay. T'as tout le temps des fils USB, des affaires, je sais pas, n'importe quoi. Et t'as aussi une tablette, par exemple, je sais pas, un iPad ou quelque chose qui ressemble à ça, juste un ordinateur de tablette, OK? Mm-hmm. Et tu veux pouvoir cacher tes fils. Donc, c'est un genre de morceau de plastique qui a une petite ouverture dedans. Tu peux placer tes fils à l'intérieur et là, il y a un angle après ça et ton iPad va dessus ou ton autre tablette comme ça. C'est comme un genre de socle. Pour ton iPad. Oh. Mais pour l'instant, c'est un projet Kickstarter, donc c'est, tu sais, on demande de l'argent, tu sais, puis après, ouais, ça, ouais, si on ça. Atteint le but. S'il y a assez d'argent, on. Tout le monde a mis son dépôt, etc., etc. Donc présentement, c'est 25$ pour précommander, mais ça a pas l'air de lever ben. Il reste comme 2 semaines, puis il reste tout plein d'argent à ramasser sur les 27 500$. Sur les 27 500$ qu'il faut pour faire ça, il y en avait 330$ en date de l'article.

Tu sais, les petits big wheels. Ouais. Ouais. Donc, ça dit ici, les frères Parker, tripeux de moteurs au talent extraordinaire, ont bricolé un tricycle Green Machine pour adultes doté d'un moteur Harley-Davidson de 60 chevaux. Donc, vous allez pouvoir atteindre des vitesses de l'ordre de 90 km/h. Ouais, j'avais vu ça. T'as vu? Ouais. C'est joli. Très peu de détails pour l'instant, sauf le prix, 75 000 $. Ah non, c'est ça. C'est... Ça doit être le seul, en plus, c'est le seul. Je sais pas, j'imagine. Mais en tout cas... Est-ce que t'aimerais ça faire du tricycle, hein? T'aurais pas l'air stupide du tout? Ben non. Ben non. Ben non. Surtout ben ici, tu sais, où tu peux en faire peut-être un deux mois par année. Ah. Encore là, tu peux même pas le plaquer sur la rue. Non. Donc, faut que t'ailles un chien ou. Mm. Et ça devient cher! Ouais! Ça devient cher. Voilà pour la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a! Yeah! Et, c'est la fin de la première heure aussi, donc déjà? On va se retrouver tantôt avec Simon Fitzbé qui nous présente l'historique du MP3, François. Fantastique. Et à 8h30, on reçoit François Landry qui va nous parler de politique. Mais pour l'instant, c'est l'Info Campus. L'Info Campus, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. De retour, c'est toujours Assemblage Requis en ce jeudi 10 novembre 2011 avec François-Louis Marchand. Et Mathieu Plante. Oui, on va recevoir Simon Fitzbé dans quelques minutes. Simon, fraîchement taillé. une belle taille. Il s'était taillé le crâne à quelques centimètres près. Salut Fabien. Oui, ah ouais. Sexe. On le voit. Là. Merci. Ah, il a sa confiance en lui aussi. Là, il est vraiment là à cause qu'il sait qu'il est sexe en ce moment-là. Malageable, bizarre. Et on revient avec lui après. On va arrêter de le gêner en onde. Hein? Oh, il est tout rouge! Oh, il est tout rouge! Yeah. Je dis attention, ça veut dire qu'on revient. Attention, ouais. attention, on revient, les gars. Je fais attention à ça. Attention, les gars. Hey. Ça, ta voix est tellement grave, écoute, on n'entend pas grand-chose. Oui, c'est merci. Ou encore, mange de la marde. C'est positif ou négatif, ça? C'est positif, t'es dans les basses fréquences. Et, ça te rend plus viril avec ta stache en plus. Là, merci. Avec ta stache. Toi, t'as non seulement la stache, t'as tout l'ensemble, le stache pack. Ouais, j'ai la beard, puis j'ai le poil de chest. En plus, débile. On est frères de poil de chest. Oh yeah. Ah, vous avez ça, les autres, les deux? Moi, j'ai pas tant. Ah, oh, je suis sûr que oui. Non, mais ils se le rendent. Ah! Ah! Okay. Ça semblait aussi. Ouais, quand même. Ma réputation depuis hier, hein, vous avez créé tellement un personnage autour de moi avec mon chouing-chouing. Ah ouais, Mathieu, c'est béton. Ah ouais. Celle-là, je l'aime, cette partie-là. Mais la partie de chest, non, pas sûr. Donc, Simon Fitzbé, avec son stash pack, le voici avec sa chronique Phénomène. Maître d'orchestre à l'œuvre en ce moment. Ouais, mais là, qu'est-ce que je fasse pendant cette thème-là? C'est tellement long. C'est ça, exactement. Donc, Stash Pack, je sais pas si c'est comme Quack Pack, le Quack Pack, l'émission avec les canards. Là, ah oui, je me rappelle. Il appelait ça Quack en vrac en français. Ouais, je sais pas si Stash en vrac, ce serait pas mal la traduction pour un Quack genre, Pack. Ouais. Pas fou. Mm-hmm. Donc, c'est mon feedback qui nous parle des MP3 cette semaine. Ah, c'est pas grave si tu comprends plus la référence. Non, des dessins animés pour enfants, on sait que t'es pas dans ce genre-là. T'as jamais été un enfant. Non, <c'est ça>. Écoute. Il est né à cette grande âge. C'est comme les petits chiens. C'est comme ça. Non, mais Quack Packs, moi, ça me dit rien du tout. Pas grave. Mais, ouais, non, ça. Bon. Est-ce qu'on passe au sujet des MP3 aujourd'hui? Un sujet quand même complexe, hein, t'as découvert? Ouais, quand même assez compliqué à résumer. Je vais faire mon possible. Et donc, messieurs. Bonjour. Messieurs, bonjour. L'informatique et les internets nous ont offert plusieurs innovations technologiques ou d'autres inventions magiques, tout simplement, parce qu'on n'aime pas... La magie, c'est dire, ouais. Ouais, le commun et les mortels ne comprennent pas tout ce qui se passe. Des moyens de se rejoindre, entre autres, comme la chat, le téléphone IP, des moyens de se divertir avec des photos de fail ou les YouTube. N'oublions pas l'essentiel de l'internet, l'information et le savoir qu'on peut y recueillir. Et les femmes tout nues. Ouais. Je pense que les chats sont aussi une catégorie à part entière. Donc, oui. T'as les chats, t'as les chattes. Effectivement, non, oui. Et t'as YouTube. Les chats, l'Internet, c'est des tubes avec des chats dedans. C'est hein? Ça. Faut pas oublier. Qui gambade. Mais n'oublions pas aussi donc que malgré toutes ces belles innovations que nous a offert Internet, autres que tous ces goodies et bonus que sont les femmes tout nues et l'information, eh bien, c'est la chance de découvrir des millions d'artistes plutôt, et leur musique grâce à la plus grande innovation informatique depuis la souris. Le MP3. Depuis la souris. Hein? Tu me dois une bière. Ah, toi, les petits doigts, c'est pas assez. Il faut une bière. Donne-moi une bière. On a parlé en même temps. Ah. Petit doigt, c'est quand tu dis quelque chose en même temps, puis tu fais un vœu, je pense. Avec un œuf de poulet. C'est bon, ça. C'est une bonne idée. C'est pas pire. Bonne façon d'avoir de la bière gratuite. Ouais, c'est ça. Donc, Mathieu m'en donne 3. Ouais, à date. Quand même. Le concept donc de compression musicale vient d'un principe très simple nommé le masquage auditif, qui représente les limites de l'audition humaine, alors qu'un son peut en masquer complètement un autre de plus basse fréquence. Et là, j'embarquais pas là-dedans parce que c'est encore plus compliqué que... Bon. Il y a des oreilles fines qui peuvent remarquer certaines différences dans certains bitrate de MP3. Ouais, exactement. Mais habituellement, l'oreille humaine est quand même assez faible de ce côté-là. Et c'est un phénomène, en fait, qui a été découvert en 1894 par Alfred Marshall Mayer, qui fut observé avec l'invention de la radio au 20e siècle. Parce que, tu sais, la fréquence de la radio est moins bonne, la qualité du son, donc on entend moins de son. Et dès la fin des années 1970, plusieurs chercheurs ont travaillé afin de créer de nouveaux procédés d'encodage musical, autres que les vinyles, bien sûr, et le ruban magnétique. Le ruban magnétique était le meilleur média possible à l'époque qui pourrait enrayer donc, ce phénomène de masquage et, du même coup, contourner la limitation de l'oreille humaine. Déjà, à l'époque, on arrivait à créer des fichiers qui encodaient de la voix avec plus ou moins de succès. Faut dire que ça devait être des fichiers quand même assez lourds parce que, bon, les ordis, il y avait juste des petites lumières puis des non, c'est qui tournaient. T'sais, c'était pas grand-chose. Non, exactement. Ça allait pas vite. Le MPEG 1, 2, Audio Layer 3 ou donc, MP3. C'est deux choses différentes. MPEG 1, Layer 3 et le MPEG 2, Layer 3. Mais c'est pas que 1, c'est, 2, mais c'est deux les MP3, donc c'est une façon de présenter en vrac. Là. Ouais. Je sais qu'il y a deux formes. Comme des quacks, hein? Oui, comme des quacks. Des quartz. Le groupe de musique à capella? Des quarks. Le ciel de. Ça, c'est. Design, je pense. Non, quarks, c'est des molécules encore plus petites que l'atome. Ah! Mais ça, je peux pas vous en parler tant que ça. J'ai pas fini de lire. T'as le pas livre les études de Stephen Hawking. C'est ça des acariens. C'est plus petit qu'un acarien. Tais-toi, c'est comme un jeu de mots avec tête d'oreiller. Tais-toi. Où il y a des acariens sur lui. Et donc, oui, le MP3, elle n'existe donc pas depuis très longtemps, contrairement à ce qu'on pouvait croire. C'est pas né avec... Napster. Avec Napster et avec l'Internet. C'est né un petit peu avant Napster, par contre. En effet, ce type de codage numérique de la musique a été mis en place entre 1987 et 1994 dans le cadre du projet Digital Audio Broadcasting, qui a été lancé par la Deutsche Luft- und Raumfahrt. Bravo. Oui, financé par l'Union européenne, qui a mis sous le nom du projet EU-147. Et le tout premier... Hop, excuse-moi, c'était juste deux secondes après. C'est ça. Ouais, c'est bon. Ben, le tout premier MP3 à avoir été créé, en fait, c'est une pièce de Susan Vega, choisie pour sa simplicité, bien sûr. Hey, est-ce que c'est ça qu'on allait entendre? Genre, ouais. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. Je l'adore, Susan Vega. Je la connais pas vraiment. Ah, c'est, non, non plus, je connaissais pas tant que ça. Ben, c'était son grand succès, probablement le plus populaire, Tom's Dinner, qui a été repris à maintes et maintes sauces. On connaît la mélodie, là, ouais, ouais, ouais, ben, on l'a tous déjà entendu en quelque part, et c'est dans le cadre, bien sûr, d'Assemblage Requis, dans le cadre de la chronique Phénomène, avec moi, Simon Fitzbé, et les deux animateurs, Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Merci, Simon Fitzbé. Wow, une table et des machines. Oui. Tout ça, dans... Et, mais bref, pour vous rappeler, donc, parce qu'on en parlait avant de présenter la pièce, ça a été le premier MP3 qui a été créé dans ce projet EU-147. En fait, c'était un projet doctoral, en fait, d'un étudiant en ingénierie. Et il a entendu la pièce Tom's Dinner à la radio. Il s'est dit, c'est une pièce tellement simple, comme elle est a cappella, eh bien, ça va aller mieux pour être capable de, justement, de ça va être moins pesant. Voix, moins pesant, moins gros, parce qu'à l'époque, les ordinateurs, c'est en 87 qu'il a commencé, c'était... C'était un Mac, Macintosh 1, là, avec un disque dur de 14 MB, puis pas de speaker, en plus. Donc, c'est quand même assez compliqué. Et il est bien évident que ce nouveau format numérique a éveillé la curiosité des gens, et dès 1994, lorsque le premier encodeur a vu le jour sous le nom de E3 Inc., ou I3 Inc., plutôt. Ça, est-ce que c'est lui aussi qui... C'est le même projet de recherche qui ont sorti ça. Et donc, les gens ont commencé à télécharger cette nouvelle curiosité et encoder des MP3 ou télécharger des MP3 encodés. Par contre, il s'appelait pas encore MP3. En fait, le nom a été trouvé en 1995 par l'équipe qui a travaillé à sa création encore. Et avant cela, le fichier était simplement identifié par .bit. .bit. Ouais, envoie-moi nom de bit. Ouais, ouais, genre, c'est quand même assez... On dit ça encore aujourd'hui, mais c'est pas le même... Ouais, c'est pas le même... pas la même signification. Sa popularité est donc grandement augmentée en 1997 grâce à un tout nouveau programme qui a aidé le format compressé à devenir de plus en plus populaire, Winamp. It really kicks the llama's ass. Non, quand tu ouvrais Winamp dans oui, le temps. Oui, je me rappelle. Ça bat le cul de tous les lamas. Ouais, c'est le premier MP3 que tu entends sur le programme. Quand aussi que tu ouvrais Winamp, tu téléchargeais, c'était ça que tu dis. Ouais. Fanant. Et donc, rapidement, l'Internet a servi à de courroie de transmission, bien sûr, au MP3. Malgré le fait que les disques durs d'ordinateur et la vitesse de transfert étaient encore limitée, les MP3 étaient très populaires malgré leur encodage assez réduit, généralement 96 kilobits ou 128. Ouais, c'est ça, ça sonnait pas fort dans ce temps-là. En 1998, le site mp3.com a vu le jour et offrait des fichiers gratuits de groupes indépendants. Et le premier lecteur MP3, les premiers lecteurs MP3 sont arrivés sur le marché en 1998. Des grosses affaires sans aucune place pour mettre bien des chansons. Des grosses affaires qui avaient une mémoire flash, qui avaient à peu près entre 30 megs et 100 megs. 100 megs, c'est si tu payais 300 ou 400 piastres. La totale. Oh, ouais, c'était incroyable. Et c'est ensuite que les programmes d'échange pair à pair ont pris le contrôle, oui, de l'échange du MP3 en 1999 avec le lancement de Napster. Il y a des jeunes, mais... Ça a été révolutionnaire, hein, sérieusement. Et puis, je me rappelle que d'avoir utilisé Napster, là, qui ne se rappelle pas d'avoir utilisé? Je l'ai utilisé allègrement et je m'en gêne pas. Non, c'est parce ça. Il y a plein de jeunes maintenant qui savent même pas c'est quoi Napster. Ils voient encore Napster au magasin sur les petites cartes cadeaux. Ils se disent crime Napster, c'est quoi ça? J'avais présenté, m'emmenait une image pendant un concours, pendant le carnaval, et personne n'avait reconnu Napster. Le logo? Oui, François Olivier était là. Voyons donc. Et personne n'a reconnu le logo, personne ne savait c'était quoi. Donc, vous imaginez comment qu'on est privilégié. On est une génération de petits groupes qui a connu ça. Ben oui, c'est ça. Et qu'on l'a utilisé d'ailleurs, et ça allait très bien. Tu pouvais même trouver des groupes régionaux. Oh oui, il y avait plein de trucs. Les gens mettaient leurs affaires sur Internet. Parce que malgré que le transfert d'MP3 allait à l'encontre de la loi sur les droits d'auteur de plusieurs pays, les gens ont vite pris goût à se procurer de la musique gratuitement et à également offrir des fichiers qu'ils avaient eux-mêmes pris sur des CD qu'ils rendaient tous sur Internet. Hey! un grand classique de Metallica. Ah ouais, le matin, ça fait du bien. Oui, hein, c'est bien sûr, parce qu'on parle du MP3 et de Napster dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis. Dans le cadre de Porte. Dans le cadre de Porte. François-Louis Marchand, Mathieu Plan, François Landry, moi-même. S'il veut parler, il est là. Oui. Oh, je suis là. Hey! Oh! François Landry, magie. Et donc, bien sûr, cette pièce-là, I Disappear, était une pièce qui apparaissait sur la trame sonore de Mission Impossible 2. Encore un excellent film dont nous nous rappelons tous, un classique instantané. Oui, oui. Mais quand même, donc, c'est une pièce qui s'est retrouvée en démo sur Napster. Et malheureusement, donc, le fun n'a pas vraiment duré puisque les gros bonnets, les maisons de disques, le batteur de Metallica et Dr. Dre se sont rendus compte que plusieurs milliers de MP3 étaient échangés chaque jour sur l'Internet. Ils n'ont pas trouvé ça le fun. Ben non. En fait, c'était près de 26,4 millions de personnes qui utilisaient le service gratuit de Napster. Ça, c'était au plus haut en février 2001. Ils ont donc décidé de faire la seule chose conséquente qu'ils pouvaient faire aux États-Unis, c'est-à-dire poursuivre Sean Fanning, le créateur de programme, afin de faire fermer Napster. Ce qui est arrivé à la fin de l'année 2001 lorsque la compagnie Napster déclara banqueroute. Cela n'a pas empêché des successeurs à Napster d'essayer de prendre leur place. Bien sûr, des programmes comme Kazaa, il y a également eu LimeWire, eMule, bien d'autres. Il y en a plein. BitTorrent, il y en a plein. Il y en a plein, mais il n'y en a pas qui fonctionnent. C'est ça. Non, ouais. C'est ça. Il n'y en a pas qui fonctionnent à pleine capacité. C'était la référence. Les gars, remettez-vous, en 2001, Internet n'était pas chez tout le monde. Non. Donc, il y avait beaucoup moins d'utilisateurs. Là, on dit qu'il y avait 26,4 millions d'utilisateurs. Ouais. C'est pas tant que ça. Non, c'est pas tant que ça. Donc, Napster, ça a été un phénomène parce que c'était encore récent, c'est-à-dire l'Internet. Moi, j'ai eu quand même assez tôt chez nous. J'avais un Internet extrêmement lent, par contre, mais j'ai eu tôt. Et il y a plein de gens là, que je parlais de Napster, il n'y a même pas d'ordi, donc c'était pas pareil. Et donc, l'industrie avait l'œil, bien sûr, sur les pirates, donc c'était plus aussi facile de télécharger comme les deux ans de folie que Napster nous a procuré à nous tous. Une chance qu'on a profité pendant qu'on l'avait. Ouais, et on peut en parler ouvertement parce que c'est pas illégal au Canada. C'est fini, donc quand même. Mais justement, la marque Napster qu'ils ont ramené avec le même logo et tout, tu sais, comme je disais, la compagnie de Napster existe encore, pas par les mêmes propriétaires. Tu peux télécharger de la musique avec un forfait que tu payes. Là, ouais, avec c'est ça, carte cadeau. Mais tu l'as dit tantôt, tu montres le logo aux gens puis ils savent même pas c'est quoi. Non, pourtant, c'est ça. Ils ont perdu. C'est fini, pourquoi que ça existe encore, ces cartes-là? Tu as profité des quelques peu qui s'en rappellent puis qui savent pas comment télécharger leur truc à la façon Napster. On peut dire. Ils sont contre Apple. Ouais, c'est ça, exactement. Puisque les maisons de disques se sont mis à protéger les albums lancés sur le marché afin d'empêcher l'échange illégal. Par exemple, les disques étaient équipés d'un programme qui empêchait la reproduction ou la limitait à quelques copies en format autre qu'MP3, dont le WMA. Le célèbre WMA. Ouais, c'est pas super. Et certains sites payants également comme eMusic, Bleep ou Beatport ont vu le jour, entre autres. Mais il faut attendre qu'un visionnaire reprenne les rênes du MP3 avec sa compagnie, Apple pour pas la nommer, afin de régler une bonne partie des contraintes et soucis de l'industrie de la musique avec un lecteur révolutionnaire, le iPod, lancé en 2001, et son magasin de musique, le iTunes Store, ou le magasin iTunes, que j'aimerais mieux appeler, lancé donc 2 ans plus tard. Donc ça a pris 2 ans avant de lancer l'iTunes Store après la sortie du iPod. C'est quand même quelque chose. Avant ça, c'était avec un logiciel, je me rappelle plus c'était quoi le nom du logiciel qu'il y avait c'est avec une ça. Très bonne question, j'ignore qui est le... Ouais, je pense que c'était pas Sonic Match Sonic truc là. C'est bien possible, j'avais pas d'Apple, j'avais pas de Macintosh à l'époque. C'était spécial. Et donc Steve Jobs et Apple ont vraiment révolutionné le monde de la musique en offrant des albums complets ainsi que des chansons individuelles à prix modique. C'est Jobs qui a imposé les prix des pièces de musique entre 69 sous et 1,29 aux grandes maisons de disques et a convaincu ces dernières qu'ils étaient mieux de s'associer avec Apple afin d'améliorer leurs conditions ainsi que leurs ventes en baisse depuis quelques années déjà. Ça allait pas bien là, avant que Jobs arrive. D'autres sites proposent des téléchargements légaux et payants d'MP3, tels que Bandcamp, mon préféré personnel, parce que t'as beaucoup, tu peux écouter live et tu peux également donc avoir des MP3 gratuits. Amazon.com, bien sûr, qui offre des MP3. Au Canada, est-ce qu'on a ça, les MP3 sur Amazon, je pense pas. Moi, en tout cas, j'ai l'option de les acheter sur mon compte Amazon.com. .com, pas .ca, également Walmart, qui vend des MP3. Oui. C'est assez incroyable. Ouais, Walmart. Il y a aussi les magasins de disques, maintenant, qui vendent des MP3, comme Archambault et tout. Mais bon, ça fait... En tout cas. Mais iTunes, grâce à son approche multiplateforme avec l'iPod, bien sûr, continue à régner en maître sur le marché du point MP3, puisqu'il s'agit d'un marché maintenant. On parlait d'un système d'échange auparavant. Maintenant, le MP3, c'est devenu un marché. Il y a de plus en plus de gens qui en achètent. C'est gros. Oh, oui, vraiment, puisque le 4 octobre 2011, iTunes vendait sa 16 milliardième chanson. Milliardième, oui. Ça, c'est... on parle de milliards en 8 ans. Donc, ça fait même pas 10 ans encore que ça existe et on en a vendu 16 milliards. Avec les gens qui répugnent de plus en plus les CD et autres médias physiques, on peut bien dire que le MP3 devient le seul média de transmission dans l'avenir. Mmh. Ça se peut là, que ça arrive. Il s'agit peut-être pas du meilleur des médias à cause de ses limites, mais son accessibilité et la simplicité risquent malheureusement d'éradiquer le disque. Mais ça, c'est une autre histoire. Avant de prononcer son nom, je vais faire très attention parce qu'il y a deux jeunes animatrices du lundi qui animent de 4h à 5h qui se sont fait dire que parfois la prononciation de ce nom-là est Feist. C'est Feist. Feist. Mais c'est ça, ils se sont fait dire et il y en a qui se font dire en onde au palmarès. C'est fou, notre chroniqueuse Justine a repris Marie-Pierre à un moment donné. Elle a dit « C'est Feist! » Voyons, c'est Feist. Elle venait de dire Feist. Elle a dit « C'est Feist! » Voyons, c'est Feist. Feist. C'est Feist. Là, vous parlez de Feist. Oui, exactement. On parle de Feist. Feist. Ça reste en ton coin. C'était la pièce 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4 qui, bien sûr, a servi de pub pour le iPod Nano dans le temps qu'il était carré parce que lui, il change à chaque année. Donc mais très bonne pièce. Oui. Et, en plus, c'est cette pub de Apple-là a aidé Feist à vraiment devenir ce qu'elle est devenue parce que c'était un artiste hyper indie, pas vraiment connu. Mm-hmm. Les gens ne s'intéressaient pas à elle. Elle était un peu underground. Oui, très underground même. Et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à faire des stades et faire remplir le forum, des trucs comme ça. Donc, c'est assez incroyable. Donc voilà ce que ça peut faire maintenant. Et la musique n'est donc pas morte, un peu grâce à Apple. C'est plate de dire ça parce que, bon, Apple est en train de devenir quand même assez gros. Comme une genre de pieuvre avec plein de tentacules, mais ils ont aidé à sauver la musique. C'est quand même cool. Exact. Mm-hmm. Ben, sauver la musique. Je sais pas si je dirais ça. Mais toi, c'est parce que tu veux pas acheter sur iTunes. Je trouve pas l'utilité. Tant qu'à ça, sérieusement, je vais encore acheter des CD pour au moins avoir Je te donne une mise en situation. Mais 11h30 du soir. Je comprends ta situation. Je comprends ta situation. Quand tu fais, c'est ça, comme exemple, une chronique, ça prend une chanson particulière. Des fois, ça se trouve pas une chanson. Tu cherches une chanson parce qu'elle se trouve pas sur Internet dans le download illégal. Fait que après, sur iTunes, tu sais qu'elle va être parfaite. Début, fin, parfaite. Ouais, d'ailleurs, message parfait. Tom's Dinner, la première pièce qu'on a entendue, je l'ai téléchargée sur iTunes parce qu'il y a plein de versions avec des remixes dessus et j'arrivais pas à trouver la bonne. Puis en plus, c'est que maintenant, t'as plus de DRM, t'as plus de protection. Donc, littéralement, Simon a pu l'acheter, me l'envoyer par courriel et je l'ai fait jouer dans Winamp. Et tu peux également modifier ton fichier maintenant. Ouais. Que tu le reçois parce que comme quand je fais mes émissions de radio le lundi, tu peux modifier ton fichier. Ouais, je fais des mix, moi je mets deux pièces une après l'autre avec des petits intermèdes dans le milieu. Avec dans un document d'édition. Je peux ouvrir ça avec Audacity et avant, c'était pas comme changer ça. Le format. Non. Avant c'était très barré, iTunes. Avant ça, j'avais déjà emmené des MP3 achetés sur iTunes sur l'ordi ici. Ils ont arrêté de jouer en plein milieu. Donc c'était pas une bonne idée. C'est le fun. Quand même, tu payes pour ça. Ouais, c'est ça, c'est le principe que tu payes et ça t'appartient. Ben, donc, tu fais ce que tu veux. C'est vrai que tu payes relativement cher par contre, parce que tu payes 1$ ou 1,29$ dépendant des chansons. Ou 69 sous. Des fois, ça peut arriver, les vieilles chansons, les chansons pas très populaires, mettons. Voilà. Ben non, mais pour vrai... Monster Mash, c'est très populaire. Oui, OK, mais c'est pas les plus vendus, mettons. Non, je sais. Bon. Donc, c'est ça, tu peux les acheter pour, c'est ça, environ, mettons, 1$ en moyenne. Donc, l'album va être à 10$. Un album en magasin coûte combien en général maintenant? Oui, maintenant, c'est 10$. À peu près ça. Mais il y a encore 2 ou 3 ans. Ouais. Et encore là, ça dépend. Je veux dire, tu peux avoir des albums en magasin qui vont coûter encore 20, 21$. Ouais. Quand c'est des groupes soit connus ou des gros albums quand même assez... assez volumineux. T'sais, si c'est un album trip d'un groupe qui vont te vendre 45$, ben sur l'iTunes Store, il va te coûter 20. Donc, là, ça peut valoir la peine. Mais un album individuel, c'est vrai que c'est un peu cher. Ben ça, parce que t'as pas d'emballage, t'as pas de frais de transport, absolument rien. Mais les frais de serveur, les frais de transfert, ça coûte rien, ces affaires-là. C'est prouvé que ça coûte quasiment rien. Ouais, le quand t'en vends 16 milliards, en 8 ans. T'as des gros serveurs pour héberger tout ça. Bon. Ben ouais, OK. Merci, Simon. Oh, ben, merci. Ça fait le tour, on n'a pas le choix, ça fait le tour. Belle discussion. Oui, très intéressant. On se retrouve jeudi prochain à 8h pour notre édition de Phénomène. Sinon, on te retrouve aussi à l'émission Catalepsie les lundis soirs à 20h. Est-ce que tu as déjà le sujet de ta prochaine émission de Catalepsie, Simon? Oui, on a parlé de la guerre cette semaine. C'était intéressant. Merci beaucoup. On va être conséquent, on va parler de la paix. War! What is it? Ouais, ça, c'était supposé rentrer dans l'émission, mais comme manqué de temps. Ouais, c'est comme ça. Comme là, présentement. Ah, comme maintenant, comme on genre accélérant la cadence. Ouais, okay. C'est ça. Donc, Catalepsie, lundi 20h, on rappelle mercredi à 14h. Aussi, l'émission Album Classique, les vendredis matin à 10h, avec un album écouté au complet, dans son intégralité, comme l'artiste le désirait. Ouais. Et à 11h, c'est Rock Classique, avec ta chronique Les éphémérides du rock, en début d'émission, début/une bonne partie. Aussi. Ouais, au moins une heure et demie. Genre. Donc, Simon Fitzbé, voilà. Merci. On se retrouve juste après la pause et l'info AGE avec la chronique de François Landry, Logocratie 101. Je te surprends, c'est après la pause, c'est pas ça? Ah, c'est là que je joue, là, que c'est j'entends ça. L'onde. Oui, ça va être là. OK, je pensais que j'étais juste figurant. Non. Ben, en tout cas, non. Ouais, on donc. Les figurants, c'est pas supposé de parler. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. 20 dernières minutes de notre émission pour aujourd'hui, pour cette semaine, donc sans perdre plus de temps. Accueillons-le chaleureusement. Ouais, est-ce que tout le monde veut se lever debout et... Applaudir un peu? Est-ce que je vais être seul si je le fais, mettons? Mais t'es pas debout. Il faut que je pèse sur la souris aussi. Je peux pas tout faire en même temps, là, François. Voici François Landry et sa chronique Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour, bonjour. Big ups, respect, R-E-S-P-E-C-T. C'est pas Diana Ross qui chantait ça? Je pense que oui. Ah, pas fait, je connais ma musique américaine. J'ai coupé le bonjour de Simon. Simon, bonjour aussi. Bonjour. Bonjour, messieurs, mesdames. Donc aujourd'hui, on parle de la hausse des droits de scolarité. Oui, monsieur. Nuance. Une grosse journée. Une grosse journée. Regardez mes cernes, c'est significatif. Grosse journée, oui, en ce 10 novembre, malgré que ceux qui nous écoutent le 11 novembre, c'est pas grave, c'était hier, donc ça va peut-être se continuer. Ouais, c'est depuis hier soir que ça a commencé. Il y avait un bed-in hier à l'UQAM. Plusieurs officiers de l'AGE étaient sur place. Une grosse, grosse manifestation statique. Donc, une veillée à la chandelle. C'était avec un relais entre texte, politique, encouragement, festivité, juste pour se tenir réveillé. Donc, beaucoup d'activités en perspective. Aujourd'hui, la grosse manifestation. 200 000 étudiants en grève. Ça s'était pas vu depuis 2005. On va peut-être battre le record pour les fans de statistiques de 2005 pour le nombre de grévistes, mais est-ce que ça sera un nombre similaire proportionnel aux manifestants? C'est ça aussi. Il y avait eu 100 000 étudiants à Montréal le 16 mars 2005. Aujourd'hui, en tout optimiste que je suis, je prévois 20 000 parce qu'il pleut à torrent à Montréal en ce moment. Ah non, pas vrai. Oui, donc ça va décourager. À 7h30 ce matin, il y avait 30 étudiants devant le cégep Rosemont, collège Rosemont. Ça commence. Puis je sais ici qu'en études québécoises aussi, les 44 étudiants faisaient le pied de grue devant leur porte pour servir du café. Ouais, il y a 7 étudiants qui ont voté la grève pour les 44. C'est bon ça. Bonne démocratie. Donc, hausse des droits de scolarité, Mathieu, tu l'as dit. Il faut faire la différence entre droits de scolarité et frais de scolarité. C'est ça. Okay. Parce que tout le monde dit, il n'y a pas eu d'augmentation des frais de scolarité. C'est faux. Si j'avais un buzzer, je ferais... Mauvaise réponse. Parce que les droits de scolarité, c'est ce que le gouvernement impose comme taxation. Donc, c'est ce qui est aujourd'hui décrié par les étudiants. Donc, les droits de scolarité, c'est le minimum que tu paies pour une facture. C'est de l'ordre de 2 168 $ si tu étudies à 15 crédits au baccalauréat. Donc, ça, c'est le minimum. Mais ta facture n'est pas de 2 168. Elle est déjà parce que tu as les frais d'administration. Les frais de scolarité comprennent les droits de scolarité, les frais institutionnels obligatoires, ça c'est les frais d'administration, les frais de photocopie, les frais les services sociaux, exactement, tout ça. Et il y a les cotisations, donc les assurances, plus que ce que tu verses aux associations étudiantes. Ça, donc, le total de la facture, ce sont les frais de scolarité. Et ce que le gouvernement augmente ces jours-ci, ce sont les droits de scolarité. OK. Donc, et les frais et les droits sont en augmentation. Les droits de scolarité avaient été gelés en 1994 jusqu'en 2007 à 1 668 $. Et en 2007, le gouvernement Charest, dans son dans un élan de générosité pour le Conseil du patronat, sûrement, a dit « Je vais augmenter jusqu'en 2012 les droits de scolarité de 50 $ par session, donc 100 $ par année. » Ça donnait donc, en 2007, donc, on passe de 1 668 à, demain matin, là, en 2012, à 2 168. Et là, donc, une augmentation de 500 $ en 5 ans, donc 100 $ par année. Ce qui rapportait à l'État 100 millions d'argent neuf. De plus. De plus. Donc, d'argent neuf pour mettre en éducation. Après vérification, il n'y a aucune trace de cet argent neuf-là qui a été en éducation. Donc, là, il nous dit « Ah ben, on va réajuster. » Donc, au printemps dernier, notre cher ministre Bachand, dans toute sa magnificence, dans toute son intelligence qu'il est, ministre des Finances quand même, c'est pas un deux de pique, il se doit de connaître les chiffres, il s'est dit « J'ai fait un calcul très scientifique chez nous. » Ah ouais. On va... Sur une napkin. Un coin de table sûrement, ouais. Il s'est dit « Comment augmenter les droits de scolarité pour que ça paraisse bien? » Il dit « Je vais reprendre les droits de scolarité que moi, je payais en 1968, 547 $. Je vais calculer une indexation de 2% par année jusqu'en 2017, parce que c'est un beau chiffre, 5 ans à partir de 2012, donc c'est 2017. » Puis il s'est dit « Donc, le 547 plus 2% par année, ça va donner combien? Ça va donner 3 793 $. » Ah, parfait, on va augmenter les droits de scolarité jusqu'à là. C'est son raisonnement et je ne mens pas. Allez voir le budget du Québec. De mars dernier, c'est textuellement indiqué tel quel. Je n'invente rien. Donc, ça me décourage royalement. Ouais, c'est bizarre. Parce que s'il l'avait justifié, les universités ont besoin de 3 793 $ pour fonctionner, j'aurais dit, OK, je te fais confiance, tu es plus intelligent que moi. Mais là, ben, encore là, pour faire quoi? Si c'était pour combler un mal financement ou un sous-financement, j'aurais pu obtempérer. J'aurais pu. Sauf ouais, c'est ça. J'aurais pu. Ouais, c'est sûr. Il aurait fallu qu'il me prouve que cet argent-là va réellement là-dedans. Ouais, c'est ça. Et à quoi qu'elle va servir concrètement. Voilà. Parce que on entend des fois des investissements, mais concrètement sur le terrain, il n'y a absolument rien qui change. Exactement. Et surtout, on se rend compte à l'UQTR, on n'a pas une scène de déficit. La dette a été enrayée l'an dernier. Mm-hmm. On fait des profits de 11 millions de dollars par année. Donc, y a-t-il un sous-financement à l'UQTR? Je me pose la question, donc pourquoi les étudiants de l'UQTR paieraient pour une l'augmentation? Est-ce que c'est pour avoir des bureaux de la réussite étudiante tels qu'ils existent, qui est un trou sans fond de 3,2 millions de dollars en 3 ans? Mais et c'est comme faire la grève, c'est la solidarité entre les universités qui vont te répondre. C'est effectivement, donc parce que c'est la CREPUC qui avait demandé au ministre Bachand d'augmenter selon l'indexation. Donc, le recteur Bourque, à l'époque, qui a démissionné aujourd'hui, s'est dit, comme Simon l'a dit, solidarité avec mes comparses qui proviennent du secteur... Qui gèrent mal leur Ouais, c'est ça, qui administrent mal Parce que le recteur de l'Université Laval s'est doté, pas l'an dernier, cette année-là, une augmentation de 30% de son salaire. De même... L'île aux voyageurs qui a coûté 800 millions au Trésor québécois. Et le recteur Bourque en démissionnant qui a eu son salaire plus un an de salaire. Mais moi j'ai pas de misère avec ça dans le sens où est-ce que c'est rentable. Ben, où c'est rentable financièrement, là, dans le sens où il fait pas de déficit. Mais le message que ça envoie, c'est il y a un mal financement au Québec, ça va mal, on dit aux étudiants de se serrer la ceinture, aux universités. Aux étudiants, plutôt pas de se serrer la ceinture, mais d'ouvrir et grandir leur poche et leur portefeuille. Non, c'est sûr. Nous autres, on augmente nos salaires. Non, c'est sûr. T'sais, si mais... assez fou, ça va mal les finances. Ouais. Est-ce que vous allez commencer à embaucher des étudiants ou avoir des ordinateurs flambant neufs? Non, c'est sûr. Vous allez dire, on va faire un petit plan de gestion sur 3 ans. Non. On verra. On va étirer notre stock, on va le exactement. Vous allez maximiser. Aller chercher l'argent ailleurs, si possible. Non, c'est sûr. Comment dire? C'est sûr, exactement. Mais dans le sens où mettons, l'administration gère bien ses trucs et est quand même rentable, c'est sûr que là, en fait, à la base, il ne devrait pas avoir d'augmentation non plus. Là. Exactement. C'est donc, pourquoi il n'y aurait pas un remboursement des frais de scolarité? Ça va bien. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Parce que c'est pas supposé faire du profit non plus. Exactement. Comme les caisses populaires, dès qu'ils font de l'argent, il y a une ristourne. Il y a une ristourne, ça exactement. Ça serait bien aussi qu'à l'UQTR, vu que ce sont les étudiants qui font voir l'université d'un bon œil, parce qu'il y a un accroissement de la population étudiante ces dernières années, c'est grâce aux étudiants, parce qu'eux autres, c'est une belle publicité, une belle réussite. Ouais, c'est ça, exactement, ça va bien. Ça va d'avoir une ristourne. On lance le message au prochain recteur et rectrice qui sera élu prochainement. Donc, et là, pour revenir au droit de la scolarité, le gouvernement dit qu'il faut se serrer la ceinture tout le monde, les étudiants doivent faire leur juste part. Ça, c'est le discours véhiculé partout. Mais qu'est-ce que faire une juste part? Et j'ai regardé dans des dictionnaires, j'ai regardé dans des encyclopédies, dans des codes boursières, j'ai trouvé aucune réponse. C'est quoi faire une juste part? Est-ce que tu payes à la hauteur de tes moyens? Donc, 1$, ça pourrait être juste part. Tu sais? Je sais pas. Hein? Ça pourrait c'est être. C'est discutable. Parce que tu vas payer des impôts plus tard. Ouais. Donc, est-ce que tu vas payer doublement ta juste part? Ouais, c'est ça. Juste pour te donner un exemple. Aujourd'hui, les étudiants payent pour 12,7% du mode de fonctionnement du système d'éducation. Okay? Donc, de l'ensemble global, l'étudiant paye pour 12,7%. À terme, en 2017, ça va être 17%. Donc, augmentation de 5%. Donc, 5% quand même. C'est quand même beaucoup. Hein? C'est quand même le cinquième. C'est quand même le cinquième qu'on paye. Et là, le gouvernement, lui, s'est dit, nous autres aussi, on va être gentils. Il paye présentement 54% du financement du réseau universitaire. Mais à terme, il paiera 51%. Donc, le gouvernement se désengage du financement. Ouais. Pendant ce temps-là, les entreprises... Les entreprises, 3,1%. Et là, ils ont dit, on va donner beaucoup d'argent aux entreprises pour que celles-ci donnent beaucoup d'argent aux universités. C'est un calcul mathématique qu'on fait. Donc, présentement, les entreprises, 3,1%. Dans 5 ans, 3,4%. On l'a vu d'ailleurs ici à l'UQTR, la Banque nationale qui a signé... C'est un beau petit chèque de 500 millions. Ouais, c'est ça. Hein? J'aimerais ça savoir l'entente. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi le pavillon de la vie étudiante de Banque nationale? Ça s'en vient. Ça s'en vient. La radio aussi fou, Banque nationale. Non, mais Banque nationale d'ailleurs, qui ont pris beaucoup de place sur le campus. Ouais. Ça a commencé en fait avec le journal. Ben, peut-être avant, je ne sais pas, je n'étais pas au courant. Ils ont fait des activités. Et puis là, ils sont rendus à là. Donc, il donnait des tasses à leur entrée, mais comme ouais. dans le coin ici. Là, ah ouais, juste détaché, ici. Ouais, ouais. C'est peut-être pas que les gens de Desjardins les voient. Je sais pas. Dans la MTS, c'est sûr, il y a une entente avec Desjardins, parce que Desjardins est présent sur le campus. Ouais, mais Desjardins sont en train de détruire leur contrat. C'est un contrat. Donc, dès que le contrat arrive à terme, il y aura un appel d'offres. On verra. Et on sait à qui ça va aller. Voilà. Donc, là, on se dit aussi, il n'y a plus d'argent pour les universités. Donc, on est dans une morosité économique. On ne sait plus où couper et tout ça. Mais j'ai des petites nouvelles pour Jean Charest qui ne sait pas faire ses devoirs. Ou il est fait très bien qu'il oublie qu'il a fait. Ouais. Donc, depuis 10 ans, les gouvernements, je dis bien les gouvernements, parce que, voilà 10 ans, c'était le Parti québécois qui était au pouvoir, faut pas l'oublier, ont agi de manière à priver l'État d'un revenu considérable. Ils ont refusé d'indexer les paliers d'imposition, ce qui a privé Québec de 2 milliards de revenus annuels. 2 milliards, juste pour indexer les paliers d'imposition. Incroyable. 2 milliards. On vient de régler le problème de la santé et de l'éducation au Québec en un an. Il a aussi... C'est Marois, ça, qui a fait ça? Non, c'était Bernard Landry à l'époque. Réduction des taux d'imposition. 1,2 milliard annuel, sans compter la réduction de l'impôt de 950 millions de dollars en 2007, pas si longtemps que ça. En plus d'éliminer progressivement la taxe sur le capital. Donc, l'État s'est privé de 890 millions annuellement. Donc, on s'en... C'est énorme. On voit qu'ici... Elle tient ça. Ouais. Est-ce que ça vous a affecté dans votre vie tous les jours, ces diminutions de taxes ou d'impôts? Non, je ne penserais pas. Non, vraiment pas. Mais pourtant, le Québec s'est privé de plusieurs milliards de dollars. Et là, est-ce qu'il y a des solutions pour, plutôt que de faire payer toujours les mêmes, soit les étudiants, est-ce qu'on pourrait aller voir ceux que ça ne dérange pas qui payent? Je vise ici, pas les riches, là, les grands riches. T'sais, ceux qui sont au-dessus. Là. François Legault. Je ne sais même pas s'il paye des impôts tellement qu'il est riche. Mais regarde, il y a peut-être au-dessus de ça. Juste ce qui serait facilement applicable, là, juste par un changement de la réglementation fiscale au Québec. On irait chercher 5 000 millions de dollars en un an. Juste en changeant 5 petites choses. 5 000 millions, c'est 5 milliards? Oui, monsieur. Ouais. Donc, 5 milliards qu'on irait chercher demain. Là, je claque. Demain. Attends, des lois. Demain. Matin, là. C'est quoi? Tous ensemble. Okay. Redevance sur l'eau. Okay. On sait qu'il y a des compagnies d'eau qui viennent ici, qui prennent notre eau de robinet, de l'aqueduc, qui les vendent en bouteilles d'eau. Ouais. Donc, si on taxe l'eau, juste une scène, une scène le litre, je suis sûr que Mathieu, ça te dérangerait pas mais de payer ta bouteille d'eau une scène de plus. Jamais. Bon, on irait chercher annuellement au Québec 775 millions de dollars d'argent neuf. Oui, wow. Mais lorsqu'on écoute le gouvernement, ils vont nous dire premièrement que s'ils augmentent, s'ils demandent une redevance sur l'eau, les compagnies d'eau vont arrêter de venir ici. Ben, qu'ils arrêtent. Non, mais c'est... Non, mais ils peuvent pas partir. Et deuxièmement, ils vont dire ils vont remettre ça aux consommateurs. Ça, je trouve ça complètement inutile. Parce que justement, on parle d'une scène par mètre cube, c'est même pas genre... 0,00001 par. Puis à la limite, écoute, moi, je me sens pas mal qu'ils prennent pas notre eau. Ben, parce que plus, c'est le lot de ton robinet. Regardez le lieu de provenance. Ouais, ouais, ouais. L'eau que j'achète au dépanneur chez nous, là, provient de la source de Saint-Élie-Caxton. Ouais. Je rouvre mon robinet, c'est la même source d'eau que j'ai gratuitement de par mes taxes municipales mon robinet, de très bonne qualité. Et au dépanneur, 3,25 $ la bouteille d'eau. Donc, mon litre d'eau coûte plus cher qu'un litre d'essence. Ouais, c'est fou, c'est hein? imbécile. C'est complètement fou. Deuxième mesure, taxe sur le capital. Donc ça, c'est vraiment des termes techniques. Donc c'est quand tu joues à la bourse ou des trucs de même. Avec tes gains? Non, ça c'est un gain en capital. Mais là, ça serait une taxe sur le capital. Donc, sur ce que tu fais, on pourrait mettre un plancher. Donc, ça, l'expliquer, c'est vraiment technique. Là. On irait chercher 500 millions. Là. Donc, subvention et exemption fiscale aux grandes entreprises. Au Québec, c'est un paradis pour les entreprises qui veulent venir ici. On l'a vu avec IQT Solutions. On l'a vu avec la firme, pas Joliette, mais Projet-là qui a fermé Electrolux. Ouais. Donc, ils viennent ici. Ils ont un contrat de 10 ans avec le gouvernement pour dire, pendant 10 ans, on n'a pas d'impôts à payer, d'exemption fiscale totale. On a même une subvention pour engager des employés. Et au bout de 10 ans, on sac notre camp aux États-Unis. C'est ce que Electrolux a fait, c'est ce que IQT Solutions à Trois-Rivières a fait aussi. Ils ont déménagé au Tennessee, et là, au Tennessee, ils ont dit non, vous avez fermé au Québec, vous ne viendrez pas ouvrir ici, donc IQT serait en faillite. Parce qu'ils ont voulu jouer justement avec les subventions. Ça leur apprend là. Donc, juste diminuer la bourse totale des subventions de 20% de l'aide publique, là, ça économiserait 1,2 milliard. Hein? Juste ça, 20%. Donc, il n'y aurait pas plus d'entreprises qui quitteraient le Québec ou tout ça. Il y aurait juste une meilleure redistribution. La fiscalité des particuliers. On paye tous des impôts ici, sauf Simon parce qu'il est étudiant. Non, mais... j'en paye pas. Ben voilà. D'accord, mais donc, je vais en payer en sale temps. Voilà. Mais tant mieux si t'en payes, tu vas pouvoir contribuer à la richesse collective. Moi, j'ai rien contre ça. Exactement. J'aimerais ça payer 100 000 $ en impôts. Ça, ça voudrait dire que j'en gagne 200 000 par année. Ça, je serais bien content. Ouais. Je serais bien content. Mais si on rajoute un palier d'impôts, au provincial, il y a 3 paliers d'imposition. C'est quoi, pauvre, donc, moyen, riche? Ben, ça, ça ressemble même pas. Le riche est même pas là. C'est très pauvre, très pauvre. Très pauvre, moyen. Il y a ces 20 000 $ et moins. Eux autres ne payent pas d'impôts. Ouais, OK. Il y a entre 20 000 et 60 000, c'est la classe moyenne. Ça, c'est la même braquette? La même braquette. Pour vrai? Oui, monsieur. Ah, il y a ça me surprend. Il y a des petits paliers, des sous-paliers qui font juste augmenter le chiffre, mais c'est pas. Okay. Le palier, c'est 20 000 à 60 et tu as les 60 et plus. Et à Ottawa. Les 60 et plus. Ben, c'est ça. Donc, François Legault et ma blonde et moi réunis, on est dans la même braquette, t'sais. Non, c'est inconcevable. Là. Mais c'est inconcevable. À Ottawa, il y a 4 paliers d'impôts. Et v'là 10 ans, il y avait au Québec 7 paliers d'imposition. Ça allait jusqu'à quoi? C'était 120 000 et plus après. Donc, c'était, mettons, de 20 000 à 40, 40 à 60, 60 à 80, 80 à 100, 100, bon, et plus. Donc, juste rajouter un palier d'imposition de 28%, parce que c'est présentement, on paye 16% pour la classe moyenne, 28% pour les personnes qui ont 115 000 $ et plus. On t'sais, irait chercher 500 millions de dollars ben de oui, plus. Ben oui, ben oui. Et tu sais, quand tu gagnes 115 000 $ on s'entend que c'est plus, en moyen. Là, et plus. C'est ça. C'est en moyen. C'est en moyen. Ça va bien. C'est ça. Pour revenir sur le gain en capital que tu parlais, donc ceux qui jouent à la bourse, ceux qui jouent avec l'immobilier, donc tu achètes une maison, tu rénoves, tu revends, parce que dès que tu mets les pieds dans une maison, elle vient d'augmenter de valeur. Donc moi, ma maison, je l'ai achetée X. Demain matin, je la vends, je vais la vendre X plus Y. Parce que ça, c'est un investissement de maison. Un char, dès que tu mets le pied dedans, il décroît. Mais une maison, c'est le contraire, ça accroît. Ouais, puis ton usine à bouteille d'eau aussi, là, ça doit augmenter. Ça doit aider, ça doit aider. Donc, juste le taxer le gain en capital, c'est on impose 100 $ de plus par tranche de pourcentage, on irait chercher 800 millions de $. Puis encore là, c'est qui joue à la bourse? C'est pas aucun de nous autres. Non, c'est des riches. Oui, oui, c'est ça. Faut que tu aies les moyens. Exactement. Faut que tu aies les moyens de perdre d'argent que tu mets. C'est ça, que ça te dérange pas, que tu récupères le lendemain ou sur le lendemain avec deux aspirines. Ouais, c'est ça. Et la dernière chose, deux dernières choses, suspendre le versement au Fonds des générations. Ça, on sait, c'est le gouvernement Charest qui a dit en prévision de plus tard, on va faire un fonds, une réserve, pour que plus tard, les jeunes puissent avoir de l'argent. Mais un peu comme les rentes, la riche des rentes. Exactement, un REER, quelque chose comme ça. Donc, à chaque année, il met 900 millions de $ là-dedans. Mais on s'entend que là, plus tard, là, c'est plus tard. Présentement, on a besoin d'argent. Ouais, et présentement, ça va pas bien. C'est ça. Quand ça ira bien, on le fera. Ouais, j'ai rien contre l'idée, moi non plus. Quand on a un surplus à la maison, notre épicerie a coûté 20$ de moins. Le 20$ que tu as économisé, tu te dis, à soir, on se paye la pizza. Hein? Mais quand tu dis, mon épicerie a coûté 10$ de plus que prévu, tu dis, OK, cette semaine, on va manger des chips nature plutôt que barbecue. Ouais. Non, mais. C'est moins cher, pour vrai. Ça n'est pas qu'il manque. Je ne sais pas, honnêtement, j'en ai aucune idée. Et la dernière chose, les mines. On en entend parler avec Richard Desjardins ces temps-ci, avec son documentaire True Story. Donc, une redevance minière de 10% de la valeur brute. Donc, on extrait pour 100 millions de $, on fait juste taxer 10%. Les compagnies ne peuvent pas déménager parce que la matière première, elle est ici. C'est ça. Donc, si elles veulent l'or, s'ils veulent le minerai de fer, ils n'auront pas le choix de venir ici. Ils ne peuvent pas dire, on déménage à Shanghai. Non, puis... il n'y en a pas à Shanghai du fer. Puis c'est normal qu'on le donne pas. T'sais, arrêtons de donner tout ce qu'on a. Donc, juste 10% de la valeur brute, c'est pas énorme. 10%, on aurait pu taxer comme dans les autres pays, comme en Asie, du 50%. Mais ici, juste 10%, on irait chercher 300 millions de $ de plus. Donc, tout ça qui sont des manières fiscales facilement applicables au Québec, irait chercher 5 000 millions de $. Donc, est-ce que le gouvernement est en droit de dire ça va mal au Québec côté financier? Non, il nous trompe. Il est démagogique dans sa manière de calculer. Est-ce que les étudiants doivent payer pour la mauvaise gestion du gouvernement? J'ai un sérieux doute là-dessus. Est-ce que la hausse des frais de scolarité est nécessaire? Je le sais pas. On n'a pas fait le débat. Parce que la dernière fois qu'on a parlé éducation au Québec, c'est en 1964, lors de la commission parents. On s'entend qu'en 1964, aucun d'entre nous n'était ici. Non. Et nos parents n'étaient même pas encore à l'université et ou au cégep à l'époque. Même l'UQTR n'était même pas créé en 1964. On s'entend que ça fait 40 ans qu'on n'a pas mis à jour la réflexion de ce qu'est l'éducation, de ce comment on veut la financer. Donc, c'est pour ça qu'au lieu d'augmenter en improvisant sur un coin de table, comme on le disait en début de chronique, une hausse des droits de scolarité de par un calcul stupide, 2% d'indexation depuis 68, pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une grande table? Ça prendra 10 ans. Mais non pas à porte fermée. Et non pas à porte fermée. Ça prendra 10 ans. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins, on aura réfléchi tout le monde ensemble par des états généraux sur l'éducation. Les derniers états généraux, je le répète, c'est en 1964. Écoute, les Beatles sortaient, elles, puis elles venaient de sortir. Hard Day's Night sortait, là. Ouais, plus Hard Day's Night, elle, c'est en 65. Ben, ils se préparaient, tout le monde. C'était le temps de la Beatlemania, quand le réseau universitaire québécois a été réfléchi pour la dernière fois. Donc, arrêtez de me faire croire que le gouvernement a raison de justifier une hausse des droits de scolarité, car il ne sait même pas ce qu'il fait lui-même. Donc, débarrassons-nous de ce gouvernement-là. Ouais. Allons voter, s'il vous plaît. Allons voter pour élire quelqu'un de plus crédible que Jean Charest, de sa ministre pantoche, Lynn Beauchamp, et de son ministre qui improvise, Raymond Bachand, qui est un ancien péquiste, ancien député péquiste, rappelons-le. Donc, c'est la même famille consanguine. Faisons quelque chose. Mais qu'est-ce que t'en penses vraiment, François? C'est flou, ton opinion, en matin. C'est flou, hein? Ouais. Moi, je pense que je suis pour une hausse drastique des frais de scolarité. Ah, okay, okay, okay. Seulement les riches devraient étudier, parce que les riches, eux autres, vont contribuer plus tard, puis les pauvres, envoyons ça travailler à 6 $ de l'heure, sous-payé. Écoute, mais tant qu'à y être, mettons fait au syndicat, hein? C'est exactement ça que je pensais. Pas, parce qu'à un moment donné, le syndicat, c'est assez, là. Ben. Il exagère-tu un peu, hein? Ben, OK. Hey. Ceci était une parodie par François Lambert. Un sarcasme, dégoûté. Oui. Bon, maintenant, on sait ce que t'en penses, François. Oui. Oui, c'est clair. Oui, venez me voir dans mon bureau, ça va me faire plaisir de vous répéter tout ça. Oui. Sinon, appelez C'est fou pour... Moi, j'ai une requête, vas-y. Mathieu, sur le site Assemblage Requis. Je veux que tu mettes la vidéo du jeune garçon qui explique pourquoi il est contre qui est pour la hausse des frais de scolarité. Okay. Il faut absolument que tu mettes ça à côté de la chronique. Ah, je l'ai pas vu, ça. Est-ce que tu peux me trouver le lien et me l'envoyer? Je vais faire mon possible pour te trouver ça. Je te mets ça sur... Qu'est-ce qu'il dit, lui? Moi, je suis gentil pour la hausse parce que, tu sais, moi, mes parents sont riches puis ils payent, tu sais. Full comme Jean style, comme. Et Jean Tessilio, là. Jean. Merci, François Landry. Ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, bye. Ciao, bye, yo. Hello. Hello. Hello. On te retrouve jeudi prochain à 8h30 pour notre chronique Logocratie 101. Nous, c'est la fin de l'émission d'Assemblage Requis pour cette semaine, François-Olivier. Oui, certainement. On va se retrouver lundi à 7h. Oui, et lundi, on va avoir une très grosse émission chargée à souhait. On va avoir Kiwan en cavale à 7h30. Ensuite, Kiwan. On va avoir Xavier Antoir avec sa chronique T. Cuisine. Oui, et puis en fin d'émission, la chronique de sport de Nicolas Ducharme. Wow! Ça va être beau, ça? À chaque lundi, là, c'est une émission intense. Oui, la semaine prochaine, on va accueillir une nouvelle chroniqueuse dans notre émission. François, on a très, très, très, très hâte. Oui, mercredi prochain? Oui, Jasmine va être avec nous pour parler de langue française. Exactement. On va nous donner des cours de français. Oh que oui! Soyez avec nous lundi au jeudi entre 7h et 9h. Restez à l'écoute pour CNX.zip à 10h avec les chroniques CNX de la semaine, donc les nouvelles geeks. Ensuite, à 11h, sera le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, 6 degrés avec Kim Bergeron. Je serai de retour avec Marie-Pierre Laforge-Bourret pour l'émission Les Palmarès, c'est fou. Et un condensé de la meilleure musique que ce soir vous offrir entre 14h et 17h. Plus tard en soirée, La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle à 18h et son Indie Rock. 19h, Sky Punk en Punk Rock. Et on termine à 21h avec de la musique électronique au Lobby. Allez voir le cif.ca pour toute la programmation. Et allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion et la petite vidéo du gars qui est pour la hausse des presque. Ah ouais, allez voir ça, c'est vraiment drôle. C'est un artiste, ce gars. Ouais, c'est un artiste. Du talent. J'ai hâte de le voir, je sais pas. Bon. Merci François. Merci Mathieu. Passe une belle fin de semaine. Merci Simon. Merci Simon. Merci. Pas d'une main à distance, comme je dis, j'ai le rhume, hein, c'est comme ça. Tout. François, tout. Oui, OK. Et tous les autres qui ont participé à l'émission de cette semaine, on se quitte avec notre ami Salomé Leclerc et sa pièce tourne encore. Bonne fin de semaine. Tout. C'est notre nouveau bye-bye. On dirait les Teletubbies. Ah! Tout. C'est quoi les noms? J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du temps pluvieux. J'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en décalage. J'aurai la tête sur l'oreiller, à peine poser les plumes aux pieds. J'abandonnerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. Il